Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite les titres de cette édition. Revue à la baisse d'un kilogramme du sucre de la Sosumo. Il est passé de 8 000 à 6 000 francs burundais. Le ministre de la Justice déplore le comportement de certains juges qui dépassent leurs compétences judiciaires en statuant sur les affaires qui ne rentrent pas dans les limites du territoire. Vous aurez les détails. En Gaudi, on parlera du manque de semences de pommes de terre. Les agriculteurs disent que là où ils sont disponibles, un kilogramme s'achète à 5 000 francs, alors que l'an passé, il était entre 2 500 et 3 000. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabile, Serafina Kidimana, sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, revue à la baisse du kilogramme du sucre de la Sosumo par le ministère du Commerce ce jeudi 17 octobre. Le prix pour le prix chez le consommateur est passé de 8 000 à 6 000, comme l'a annoncé la ministre Marie-Chantal Nijimbele. La direction de la Sosumo avait majoré le prix du kilogramme de 3 300 à 8 000 le kilo le 14 septembre dernier. Les habitants s'étaient lamentés de ce prix et le président de la République avait demandé qu'il soit restructuré. Le ministre du Commerce a ainsi demandé l'administration locale et les consommateurs à veiller au respect de ce prix et à lutter contre toute forme de fraude ou de spéculation. La ministre de la Justice déplore le comportement de certains juges qui dépassent leurs compétences judiciaires en statuant sur les affaires qui ne rentrent pas dans les limites du territoire. Elle a dit ce jeudi lors de la séance de moralisation à l'endroit des cadres du ministère de la Justice, des présidents des cours et tribunaux et des justiciables. À cette occasion, il a appelé les magistrats de servir le peuple dont il sert en évitant toute forme de corruption et aux justiciables de cesser avec ce comportement de corrompre les juges. Ornella Mucho. Dans cette séance de moralisation où étaient invités les cadres du ministère de la Justice, les présidents des cours et tribunaux et des justiciables qui demandent recours contre vérification d'exécution, la ministre de la Justice, Domine Banyimbona, a commencé par faire le rappel sur quelques notions du fonctionnement de l'appareil judiciaire, comme les limites des compétences judiciaires. Il y a une mesure qui a été prise en ce qui concerne les dispositifs pour s'assurer que les règles sont respectées et faire preuve d'une parfaite neutralité parce qu'on a déjà constaté qu'il y a des jugements flous et qui empirent les situations. Vous, les responsables, je vous interpelle à bien faire le suivi, que la note circulaire sortie soit respectée. Il faut que les juges et magistrats se rappellent des limites de leurs compétences et les affaires qui cadrent avec ces compétences. On a déjà constaté des juges qui statuent sur des affaires qui sont au-delà des limites du territoire burundais. Vous comprenez que c'est une faute lourde. La ministre de la Justice, Domine Banyimbona, a rappelé également que la corruption dans le système judiciaire prive les victimes et les accusés de bénéficier d'un procès impartial. La corruption est la source de tous les maux au Burundi. Rappelez-vous que les magistrats sont des ambassadeurs que Dieu a créés pour appliquer le droit sans céder au risque de plaire ou déplaire et surtout être du côté du faible. Les juges et magistrats doivent trancher de manière impartiale et s'opposer à toute forme de violation des droits humains et de manipulation. Dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés puisqu'ils ont été traités injustement. Malheureusement, on constate certains magistrats qui collaborent avec ces personnes de mauvaise foi et c'est vraiment déplorable. Partagez ces conseils avec vos collègues pour bannir ce comportement. Oui. Cette séance de moralisation, organisée par le ministère de la Justice, s'est clôturée sur l'écoute des doléances des justiciables dont les affaires ont été jugées définitivement. Ces doléances ont été émises aux conseillers et inspecteurs du ministère de la Justice. Le manque d'eau potable et les couvertures sont des défis majeurs que rencontrent les habitants du quartier Bukila Saadi de la commune Nahangwa-Meri d'Obujumbora, dont l'application des mesures de protection contre la maladie de la variole de singe, propos de certains des habitants de ce quartier ce mercredi dans une activité organisée au marché de Bukila Saadi par l'UNICEF et Social Action for Development, SAD, appuyé financièrement par USAID. Mané Selbediouf, la représentante adjointe de l'UNICEF. Le but était de voir si ses habitants ont maîtrisé comment se prévenir contre la variole de singe. Jean-Marie Mayonga. L'activité a commencé par l'échange avec les femmes qui exercent les activités au sein du marché de Bukila Saadi sur le mode de prévention de la maladie Mpox. Ces femmes ont eu des enseignements sur la façon de se prévenir de cette maladie en leur montrant comment se laver les mains et d'éviter de rester serré afin qu'il n'y ait pas contamination. Une de ces femmes exerçant ses activités au sein du marché Bukila Saadi a précisé qu'elles ont eu des sensibilisations en rapport avec cette maladie sur la façon dont elles peuvent utiliser pour éviter des contaminations. Elle signale que le manque d'eau potable et les drapes pour la couverture dans leur ménage, leurs enfants restent en défi pour se prévenir de cette maladie. Elles demandent à ces organisations de leur venir en aide pour leur fournir ces objets et aussi de plaider pour que ce quartier soit alimenté en eau potable en quantité suffisante pour se laver les mains afin de lutter contre cette maladie de Mpox. La représentante adjointe de l'UNICEF, Mané Selbediouf, a dit que cette activité était organisée dans le but de voir si ces personnes ont bien maîtrisé comment se prévenir de cette maladie Mpox. Elle a dit que les échanges ont été bénéfiques avec ces femmes et ces efforts vont continuer en sensibilisant les autres personnes pour se prévenir de cette maladie Mpox. Nous sommes venus aujourd'hui visiter ce marché avec aussi nos partenaires financiers, l'USAID, qui nous ont accompagnés aujourd'hui. C'était l'opportunité pour nous de faire des discussions directes avec les populations ici au sein du marché, leur poser des questions sur leur niveau de connaissance de la maladie Mpox, sur leur aussi comprendre mieux comment eux-mêmes ils comprennent cette maladie, les modes de transmission, comment prévenir la maladie. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une bonne connaissance des populations ici en termes de la maladie de cette variole du singe. Ils sont conscients que la maladie existe. Les discussions aussi nous ont démontré qu'ils comprennent les différents modes de transmission. Nous avons parlé à des femmes. C'était une bonne opportunité de vraiment les aider à mieux comprendre les implications de la transmission de Mpox au sein de la famille. Cet effort de conscientisation de la population est très important pour les façons de prévenir un peu cette maladie. Donc pour nous, c'était une discussion enrichissante où nous avons quand même pris la perspective des communautés elles-mêmes pour pouvoir nous aider nous-mêmes dans nos activités et pour pouvoir informer la meilleure façon où nous pouvons comprendre les défis qu'ils rencontrent dans la prévention de la variole du singe et apporter une meilleure réponse. Cette activité a été organisée par l'UNICEF et l'Organisation pour le développement appelée SAD, appuyée financièrement par USAID. Merci à toi Jean-Marie Mayonga. Et lancement ce jeudi du projet Tout en Sport par l'organisation non gouvernementale Play International sur financement de plus de 600 000 euros. Ce projet aura comme objectif de faire du sport un outil de développement durable et va cibler plus de 2 000 enfants dont plus de 900 filles de la mairie de Bujumbura et des provinces de Kirundo et Muyinga. La représentante de l'Agence française pour le développement ayant signalé que ce projet sera aussi exécuté également au Rwanda voisin. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Lutter contre la discrimination basée sur le genre, c'est l'objectif principal du projet Tout en Sport qui va être mis en exécution dans trois provinces, à savoir la mairie de Bujumbura et les provinces de Kirundo et Muyinga. Le chef de mission de l'ONG Play International au Burundi, Mubarak Salimi, explique pourquoi le choix de ces trois provinces. Généralement, dans le processus d'élaboration de projet, nous discutons avec les acteurs locaux, nous discutons avec les autorités national, sectoriel, sur un certain nombre de thématiques. Et dans le cadre de l'élaboration de ce projet, nous avons discuté avec les acteurs de l'éducation, notamment les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, qui nous ont permis à identifier les trois zones dans lesquelles ce projet sera mis en œuvre. Il permettra forcément, comme nous l'avons dit, de travailler sur les problématiques que nous venons de citer dans ces zones-là, qui ont une certaine acuité. Il est connu au Burundi que les filles ne sont pas intéressées par le sport ou que leurs parents leur interdisent à participer dans toute activité sportive, alors que ces derniers devraient s'épanouir comme leurs frères. Le chef de mission de l'ONG Play International au Burundi demande aux concernés de couper court à ce comportement discriminatoire. L'appel que nous lançons aux parents, de manière générale, et aussi aux mamans, c'est de pouvoir laisser ces enfants-là et ces filles-là avoir des moments de distraction, des moments de jeu qui certainement permettront à renforcer leur leadership, à renforcer leur autonomisation, aussi bien sociale qu'éducative. Donc les résultats à l'école seront meilleurs. Aussi au niveau de l'émancipation, il y aura aussi des avancées également au niveau de l'autonomisation. Les partenaires de cette ONG qui vont mettre en application le projet Tout en sport va impacter positivement les disciplines qui le concernent. La Fédération de rugby au Burundi, qui est parmi ses partenaires, est intéressée, indique Célestin Vutsebanga, son secrétaire général. C'est un cas particulier pour Kirundo et Muyinga où nous avons des effectifs plus ou moins réduits par rapport à d'autres. Et ce projet va renforcer effectivement l'augmentation des effectifs et cela va normalement créer des équipes qui vont participer dans les tournois interscolaires, mais pourquoi pas aussi dans le championnat ou dans les tournois organisés par la Fédération burundaise de rugby. Le projet Tout en sport de 3 ans sera exécuté même au Rwanda voisin, comme l'a indiqué la représentante de l'Agence française pour le développement au Burundi, comme l'a indiqué lors du lancement du dit projet. Vous n'avez pas 100 euros, vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En sécurité, un homme âgé d'une quarantaine d'années a été tué par une policière ce mercredi. La nuit de ce mercredi, sur la colline Gatungati de la zone Lugari en commune et province Muyinga. Information affirmée par l'administration dans la localité. Badende Jumène, conseiller social de l'administrateur communal, précise que l'incident s'est produit par mégarde au moment où les policiers étaient en train de faire la fouille des boissons prohibées. Selon lui, une cartouche est sortie du fusil et a causé la mort de la victime qui passait juste à côté du lieu de fouille. Abraham Safari pour plus de détails. Comme nous l'a confirmé le conseil social de l'administrateur de Muyinga, Badende Jumaine, cet incident, comme il la qualifie, s'est produit vers 16h de ce mercredi sur la colline Gatongati, zone Rugari, en commune et province de Muyinga. La même source précise que les policiers faisaient leur travail de routine de fouille et perquisition des boissons alcoolisées. Là, une cartouche est sortie du fusil porté par une policière et la cartouche a touché un certain Mbarushimana Oscar d'une quarantaine d'années. Ce dernier est mort directement selon la même information. La population qui était sur place, en colère, a désarmé la policière et a commencé à la tabasser sérieusement et lui a lancé beaucoup de pierres qui l'ont gravement blessé, surtout sur sa tête. L'intervention a été rapide selon cet administratif. Les policiers de Rugari sont venus secourir leurs collègues, ce qui a fait qu'il y ait des coups de fusil qui se sont entendus sur le lieu. La dépouille a été conduite à la morgue selon nos sources et la blessée est en train d'être soignée à l'hôpital. Badende Jumaine demande à la population d'éviter de rendre justice elle-même et d'attendre toujours le verdict rendu par la justice en cas pareil. Depuis Muyinga, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, les agriculteurs de la province Ngozi accusent un manque de semences de pommes de terre durant cette saison culturelle A. Selon eux, le kilogramme coûte aujourd'hui, en cas de disponibilité, 5000 francs burundais contre 2500 ou 3000 l'année passée. Le bureau provincial en charge de l'agriculture reconnaît cette carence et les renvoie aux associations ou coopératives qui les auraient encore. Ces habitants de Ngozi demandent au gouvernement de disponibiliser ces semences comme il le fait pour le maïs. Apollinaire Muzagara. Ces agriculteurs de la province Ngozi disent qu'ils cherchent depuis pas mal de temps des semences de pommes de terre, mais selon eux, lorsqu'ils se rendent aux différents hangars des associations ou coopératives, la réponse est que ces semences sont terminées. Des fois, selon toujours eux, ils aperçoivent des semences dans les entrepôts, mais on leur dit qu'elles ont été déjà achetées et rentrent près d'ouilles. Actuellement, là où les semences de pommes de terre sont disponibles, le kilo coûte 5000 francs contre 2500 ou 3000 francs pour le kilo l'an passé. Certains du personnel du bureau provincial en charge de l'agriculture affirment que ces semences font défaut de manière générale en Ngozi, chose confirmée par Emile Kubwimana, directeur de PA Ngozi. Ces cultivateurs demandent au gouvernement de disponibiliser de telles semences de pommes de terre comme il le fait pour le maïs, même s'il y en a qui disent avoir même aujourd'hui manqué de semences de maïs. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à toi, Apollinaire. Et pour boucler cette édition, plus de 10 personnes des communes Gatala, Muluta et Kayanza ont été mordues par des chiens errants dans la période allant du 9 au 12 du mois courant. Les habitants dont les leurs ont été victimes disent qu'ils sont obligés de les faire soigner en province Chibitoke à cause du manque du vaccin antirabique. Aux structures de santé à Kayanza. Pascal Nyonzima, directeur du bureau provincial de la santé à Kayanza, tranquillise que ce vaccin pourra être disponible la semaine prochaine. Patrick Senguiyumba. Ces chiens errants ont déjà mordu 5 personnes en zone Nyabihogo de la commune Kayanza, 3 personnes de la commune Muruta et 5 autres personnes de la commune Gatara, comme l'indiquent les autorités administratives de ces communes. Les habitants de la zone Nyabihogo en commune Kayanza contactés disent qu'ils sont beaucoup pris de panique que ces chiens puissent mordre leurs enfants quand ils se rendent à l'école. Les parents de leurs enfants ont été mordus par ces chiens indiquent qu'ils ont manqué du vaccin antirabique contre la rage aux secteurs de soins de Kayanza et qu'ils sont obligés de se rendre en Dora en commune Chibitoke pour les faire soigner. Ils font savoir qu'ils s'y rendent 3 fois par semaine alors qu'ils n'ont pas de moyens suffisants pour payer le ticket de transport. Ils demandent une assistance pour bien faire soigner ces enfants mordus par les chiens errants. Godefroy Nionizgui, administrateur communal de Kayanza, demande à la population qu'il dirige de creuser des fosses et piéger ces chiens afin qu'ils soient capturés et tués. Cette autorité administrative communale de Kayanza indique que l'administration assistée les personnes qui ont été mordues par ces chiens. Quant au manque du vaccin antirabique contre la rage aux structures de santé à Kayanza, Nionzima Pascal, médecin directeur provincial à Kayanza, tranquillise qu'il pourra être disponible aux structures de santé depuis la semaine prochaine. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Et c'est sur cette nouvelle à Kayanza que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabile, Serafina Kizimana, assuré la mise en onde. Gardez l'écoute.